Au petit matin, la poubelle fut vidée et le jour même, la patate se retrouvait dans un grand tas d'ordures en pleine campagne. Joli pays et fort bien fréquenté. Il y a ici des tas de gens intéressants. Tiens, qui est cette personne qui ressemble une poêle à frire? C'était une vieille guitare à demi fondue qui n'avait plus que deux cordes. Bonjour madame, il me semble à vous voir que vous êtes quelqu'un de très distingué, car vous ressemblez tout à fait à une poêle à frire. Vous êtes bien aimable. Je ne sais pas ce que c'est qu'une poêle à frire, mais je vous remercie quand même. C'est vrai que je ne suis pas n'importe qui. Je m'appelle Guitare, et vous? Eh bien, moi, je m'appelle Pomme de Terre. Mais vous pouvez m'appeler Patate, car je vous considère dès aujourd'hui comme une amie intime. J'avais été choisie à cause de ma beauté pour devenir frite, et je le serais devenue si, par malheur, le petit garçon de la maison ne m'avait pas volé à la cuisine. Bien plus, après m'avoir volé, le sacré pont m'a complètement défiguré en me faisant deux yeux, deux oreilles, une bouche. Allons, ne pleurez pas, vous êtes rentré bien. Et puis, cela vous permet de parler? Ça, c'est vrai, c'est une grande consolation. Enfin, pour en finir, lorsque j'ai vu ce que le petit monstre avait fait de moi, je me suis mise en colère, je lui ai pris son couteau des mains, je lui ai coupé le nez et je me suis enfuie. Ah, vous avez très bien fait! N'est-ce pas? Mais vous, en fait, comment êtes-vous venu ici? Eh bien, moi, pendant de longues années, j'étais la meilleure amie d'un jeune et beau garçon qui m'aimait tendrement. Il se penchait sur moi, me prenait dans ses bras, me caressait, me tapotait, il m'a gratté le ventre en me chantant de si jolies chansons. La guitare soupira, puis sa voix se fit aigre et elle poursuivit. Un jour, il est revenu avec une étrangère. Une guitare aussi, mais en métal, est lourde, est vulgaire et si bête. Elle m'a pris mon ami et l'a ensorcelé. Je suis sûre qu'il ne l'aimait pas. Quand il apprenait, elle, ce n'était pas pour lui chanter des chansons tendres. Non, il se mettait à la gratter avec fureur en poussant des hurlements sauvages, se roulait par terre avec elle. On aurait dit qu'il s'est battu. D'ailleurs, il n'avait pas confiance en elle. La meilleure preuve, c'est qu'il la tenait attachée avec une laisse. En vérité, le jeune et beau garçon avait acheté une guitare électrique et ce que la guitare avait pris pour une laisse, c'était le fil qui la reliait à la prise de courant. Enfin, toujours est-il qu'il m'a la volée. Au bout de quelques jours, il ne le voyait plus qu'elle. Il n'avait plus un regard pour moi. Et moi, quand j'ai vu ça, eh bien, j'ai préféré partir. La guitare montait. Elle n'était pas partie d'elle-même. C'était son maître qui l'avait jetée. Mais cela, elle ne l'aurait jamais avoué. De toute façon, la patate n'avait rien compris. Comme c'est beau! Comme c'est touchant! Votre histoire me bouleverse. Je savais bien que nous étions faites pour nous comprendre. D'ailleurs, plus je vous regarde, et plus je trouve que ressemblait une poêle à frire. Mais pendant qu'elle parlait ainsi, un cheminot qui passait sur la route les entendit, s'arrêta et les écouta.